réfléchi, dis au moins ta couleur. Ça nous vit, t'es trop belle, trop belle. T'es là, moi peux pas oublier. Oh, si comme moi, c'était vous, c'était moi. Avant de partir, laissez-moi dormir tout près. Avant de partir, laissez-moi rêver une dernière fois. Avant de partir, laissez-moi dormir tout près. Avant de partir, laissez-moi rêver. Dernière fois. Moi, quand réfléchis, Se a mwen kakoule Sa nou viv Te tro bel Tro bel Lese mwen Reve